confrontation. Insults to be laid down. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants every word. She's a vampire free. So deep in her soul, she's a vampire free. And the little night you'll know you're. Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Eh oui, la tribu, c'est Spike, c'est la Vampire Freaks, c'est la 106e spéciale fête de fin d'année. Et c'est vous, chers auditeurs, chers amis, qui avez fait la programmation. Je vous remercie, j'ai déjà vous remercié pour avoir fait cette démarche de me laisser vos messages et dédicaces. C'est vraiment génial. Et cette émission va continuer encore pendant un certain nombre d'années, je pense. On commencera tout de suite avec Roxette en live de Dr. Feelgood. C'est pour Yann Depot. C'est sur l'album Oil City Confidential, un best-of live sorti en 2009. On retrouve Going Back Home, Back in the Night, Lucky Seven. Le groupe s'est séparé peu de temps avant l'explosion du punk. On continuera avec Tales of the Sand de Mirat, c'est pour Bernard. C'est aussi le titre de leur troisième album sorti le 27 septembre 2011. On retrouve Under Siege, Merciless Time et White Shot. Allez sur la page Facebook de Mirat. On continuera avec une nouveauté, Face, le nouveau Seymour. C'est sur l'album Pop Tear qui vient de sortir. On retrouve Never Down, Travel Alone et Pride. Allez sur la page Facebook de Samo. Ils sont aussi sur Bandcamp et YouTube. D'ailleurs, le clip de Face, il est vraiment excellent. Viendez liker et surtout partager. On continuera avec Poussière d'étoiles de Morsen 43. Mais j'aime pas bien mettre mes titres à moi, mais bon. C'est pour Guillaume de Oyonnax, c'est sur l'album Talkover, sorti le 7 avril 2017. On retrouve Je reviens de loin, L'Ange Noir, Dunkelstrasse. Il est toujours disponible sur Bandcamp en téléchargement à prix libre. Viendez liker la page Facebook de Morsen, allez sur la page YouTube. On va sûrement faire un clip là bientôt. On ne sait pas trop quand, mais on va refaire un clip. Et on finira ce bloc en live avec Seek and Destroy de Metallica. C'est pour mon copain JPP de Paimpol. C'est sur l'album No Life Till Laser, sorti le 17 juillet 1982. On retrouve Eat the Light, Motor Breath, Jeff in the Fire, un classique de chez classique. Somebody hold you tight, Roxette. I wondered who it could be. It was so dark I couldn't see them, but I know it wasn't me. When I tell you it ain't right, I know you got to agree. Hey. I followed you into a show. Seek you out. The music played so loud that I could hear it through the crowd. He was telling everyone about a new guy you found. You know what, you stand there, baby, you shouldn't have done it, did that good, you know. You're gonna get a little mad with you. Back to rubber bricks, and you better be there with me when I get my business next. better be there waiting, baby, when I get back. Give it. We'll be right back. You were so wrong today. I'm gonna spend my life with you. Just put your arms around me. There is no reason to doubt. Stand with a gun in my hand. Just put your arms around me. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Il sent l'amour physique au plan de l'astrophysique. Que de belles métaphores pour t'aimer un peu plus encore. La faveur de la nuit te dévoile, rongeons dans le brasier solaire, cette étoile qui nous est si chère, et si nous devenions poussière d'étoiles. Royaume des galaxies, bâtissons des planètes. Ainsi naquit la vie dans les laboratoires célestes. la faveur de la nuit te dévoile. Plongeons dans le brasier solaire, cette étoile qui nous est si chère. Et si nous devenions poussière d'étoiles? Mes mains, telles le feu des planètes, découvrent ta géographie céleste et l'étudie à la loupe. Les galaxies se regroupent. La faveur de la nuit te dévoile. Plongeons dans le brasier solaire, cette étoile qui nous est si chère. Si nous devenions poussière d'étoiles, les ressorts du lit conjugal s'expansent dans le temps et l'espace. La tension, visiblement palpable, tout se resserre et soudain éclate. La faveur de la nuit te dévoile. Plongeons dans le brasier solaire, cette étoile qui nous est si chère. Et si nous devenions poussière d'étoiles? Il y a peu de trous noirs dans l'azur de notre ciel amoureux, et nous touchons comme des pierres tombées du ciel. La faveur de la nuit te dévoile. Plongeons dans le brasier solaire, cette étoile qui nous est si chère. Et si nous devenions poussière d'étoiles? La faveur de la nuit te dévoile. Plongeons dans le brasier solaire, cette étoile qui nous est si chère. Et si nous devenions poussière d'étoiles? This one is from Kill 'Em All, and it requires three words for you to sing aloud. Seek and destroy! We'll be right back. Vous êtes bien dans la 106e Vampire Freak, et c'est Spike qui débarque dans votre salon, et c'est la spéciale fête de fin d'année. On vient de commencer à la cool, Rock Set en live de Dr. Feelgood, Tales of the Sand de Mirat, Face le nouveau Samo, Poussière d'étoiles de Morcel 43, et on a fini ce bloc en live avec Seek and Destroy de Metallica. On continuera cette émission en live toujours avec Propaganda, de Slackers. C'est sur l'album Peculiar sorti le 21 février 2006. On retrouve 86 de Mayo, 7 de Girlfree, Keep It Simple. Pour l'instant, le groupe est en suspens. J'espère qu'ils vont faire d'autres choses. On les connaît pas bien encore chez nous, mais allez sur la page Facebook de Slackers. Je filerai les liens dans l'émission. On continuera cette émission avec une nouveauté, Summer 93. C'est Lovecraft. Il y a deux singles de disponibles sur Bandcamp. Allez sur la page Facebook de Lovecraft. Et bien sûr, dès qu'il y aura d'autres sons, j'en diffuserai, c'est sûr. Et on continuera avec c'est Scapé qui va vous souhaiter un joyeux Noël avec Gasta Claus. C'est sur l'album Lagrimas y Crozos, sorti le 7 octobre 2008. On retrouve El Libertador, Crimen Solicitationis, j'arrive jamais à le dire, Crimen Solicitationis, Decadencia, et vivement qu'ils nous ressortent un album. On continuera toujours avec une nouveauté, je dirais même une exclue, c'est Dépanneur de le nouveau Chargé. Ils sont québécois. Pour l'instant, il n'y a que deux singles. L'album est prêt à sortir. Des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Chargé. Et on finira ce bloc en live, avec Life to Lifeless de Killswitch Engage. C'est sur l'album Set This World de Blaze, leur premier album live sorti le 22 novembre 2005. On retrouve Breathe Life, Self Revolution et Hoppies du son magnifique. Now let me tell you something, people. I don't know what you've been seeing on your television sets, but back in New York City, they've been showing us a lot of bullshit. And that's what this suit's all about here. Tell me more about my situation. An evil man are coming for my nation. Forces who are coming for my freedom. Secret Congress, nobody ever sees them for propaganda. Well, it's everywhere I look, it's a propaganda. Just scheming. They tell me who's my enemies and who's my friends, and I'm not sure that I believe them. The street side posters, they're encouraging me peeping. Well, to report my local terrorists and the company they're keeping. Propaganda. It's everywhere I go, it's propaganda. Mr. Please, can you tell me what you know? charges, secret meetings in taxi cab garages, propaganda. It's everywhere I look, it's a propaganda. Yeah. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Vous êtes toujours dans la 106e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Propaganda en live de Slakers, Summer 93, le nouveau et l'exclusivité de Lovecraft, Gasta Claus de Scapé, Dépanneur, une autre nouveauté et notre exclusivité de Chargé, et on a fini ce bloc en live avec Life to Lifeless de Till We Engage. On continuera cette émission en live, et oui, c'est une spéciale, donc du live, vous allez en prendre plein la tronche. On continuera donc avec The Harder They Come de Madness et sur l'album Madstock, sorti le 2 novembre 1992. On retrouve The Prince, Grey Day et Nightboy to Kero, et entre autres un classique du ska. On continuera cette émission avec Stupéflip Vite de Stupéflip, c'est pour Nico du groupe Mad du Puy-en-Velay. C'est sur l'album du Hypnoflip Invasion, sorti le 28 février 2011. On retrouve La Menuiserie, Haters Killer et Apocalypse 894. Ils sont toujours aussi givrés et je les adore. Allez sur la page Facebook de Stupéflip, ils sont sur toutes les plateformes légales et YouTube, Bandcamp, enfin ils sont partout eux aussi. On continuera avec une nouveauté, c'est Five Regrets de Hypnotic Drive, c'est sur l'album Full Throttle, sorti le 14 juin 2017. On retrouve The Rive, Subway Preacher et Thunderstorm. Allez sur la page Facebook de Hypnotic Drive, ils sont sur Bandcamp, YouTube. D'ailleurs, leur dernier clip, là, Five Regrets, il est vraiment excellent. Je vous filerai le lien sur la page Facebook de l'émission. On continuera ensuite avec Beat Gazon, une autre nouveauté de The Wealthy Hobot. C'est sur l'album, sur le premier EP, A Piece of Cheek, leur sorti 5 titres, sorti le 17 novembre 2017. On retrouve Smoke and Hold Down, Miss Jackson, de Bloom, et Bed Goes On et Ghetto Blaster. Allez sur la page Facebook de Wealthy Oboz, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. Et on finira ce bloc avec un truc que je connaissais pas, ça vient de nulle part, mais bon. En sachant que c'est pour Romaric de l'association KFB, ça m'étonne que moitié. Ça s'appelle Wada Deng de Boom, autrement dit en live, et c'est Empress Sativa, ils sont jamaïcains. C'est extrait de l'album Uncle Rebel, sorti le 7 janvier 2017. On retrouve Ja Will Be There, Ethan Wage et Black Skin King. Je connaissais pas, merci à Roms pour cette découverte. On les retrouve sur Facebook et toutes les plateformes légales. Et quelque chose me dit qu'il va y en avoir dans de prochaines émissions. Well, they tell me about the pie up in the sky, waiting for me when I die. But between the day you're born and when you die, they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? And then the harder they come, the harder they fall. you. Thanks, everyone. Thank you all very much for coming. And thank you to everyone here who made it possible. Thank you all very much. See you again one day in heaven or hell. Thank you. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Yeah. them sound beautiful. The unison of the voice, awesome. Give Isis for that. Say you know. Who know about Jalove sound system with Brigadier Jerry and Ilawi? Who know them vibes there? Who know the real old school dancehall orthodox type of vibration of the 12 tribe of Israel? Who know them vibe there? Alright. My born and growing at that. See Ilawi and my pupa. You see it? My born and grow. Them man they carry me go and dance, go put me on towel and give me asham to eat. And me take in the vibration. And it wasn't up born of boogie yaga music. You see, it's strictly meditation music. So the one here is in honor of I and I father, Ilawi, Malawi, selector, drummer, producer. It name, boom, kick it off. Now in comes the unconquerable lioness. Empress Sativa. They don't know where we were. No, no, ba, ba. Kick it off. Empress Sativa, pon the mic and I'm gonna repeat up again. Watch out. But we are on the place, you know we not beg no friend. Kick it. Any lyrics, they miss it, they send me most can defend. Boom. I love we been selecting Jalove sound system. Brigadier the general, the principal of Chaplin. Forward Empress Sativa, me a top rapper. Sudo on the rhythm like a Lisa Panalim. With the mic in a me and an idolate anything. We no skin tea, skylock, we no green. Blink 45 and 30 every 15. Of the people in rapping to the style and the pattern. Overflow them the rush and the page and busting up a black. Police a make a rape for wanted dead. No fight no with no gun beside the big gun, just sitting on me end. I walk up to the tower of the control station and ask to what my name and what my occupation. I tell them it's your highness for your information. Grandmaster we in a ram jam session. Boom! Empress Sativa on the mic and I go repeat up again. What? From we are on the place, you know me now beg no friend. Kick it! To be safe, to send my musk and defend. Boom! Wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding. Them thing won't send me rougher than them. But see them mother, compressed with tough chest. Show them face and above chest. Jealous one every day, Empress Sativa, the anchor rebel one much less. Fighting feed the entourage of O-O-O's and Santa Claus. Me a feel off to all them soft. Limbs with chopping them in the off. In the part exposing, in the past of closing. Shouldn't that this is opposing. The woman nobody knows. Another the jando, my flow is so intricately orchestrated. Rated as the greatest female MC the king created. I tell them, boom! Empress Sativa, pandi, my canago, repeat your pocket. Watch out! I run the place, you know we not beg no friend. Watch out! Any lyrics, tell me, slip me, send me, no scan, defend. Boom! Wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding. So we praise to the fox, tarnish my name every day, them a chat. Smile to the face, back turn, them a talk to my time, find a man, clock, word, them a watch. Reach to be used, and the dust of a rock, friendship, we refuse, and the knives of a plot. Highland, powder, roadside, now start a deep, oh, six, two, three, from a drop on the feet, so I pay, they shall be no more stop. Even a strong, I'm a lot, shall it touch. Whip and drone, over them, just a cut to the crown, on the head, and a brief, because snatch. Yes, me dash, I'm in the match, but I'm big, I'm going sprinkle the ash. Morning rain on the train, I'm a watch, I'm going to love myself, but we're not a lash. Feeling you're Irish, let me hear you say, Irie. I'm here to say Irie. Yeah, man, give thanks, Rototom. So. Irie. Tout le monde est Irie. Oui, vous êtes toujours dans la 106e Vampire Freaks et c'est la spéciale fête de fin d'année et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter de Harder Day Come de en live de Madness, Stupéflip Vite de Stupéflip, Five Regrets le nouveau Hypnotic Drive, Beat Goes On le nouveau Wealthy Boss et What a Dying Boom de Impress Sativa. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr. On continuera cette émission avec Black White en live de Asian Dub Foundation. Ouais, il y a pas mal de petits dubs là, enfin. Donc c'est sur l'album Rafi, sorti en 1997. On retrouve Assassin, Modern Apprentice et Real Areas for Investigation. On continuera avec une autre nouveauté, Art de Punk de Intox Leader, c'est pour Lilou. C'est un nouveau clip qui est visible sur YouTube. Allez sur la page Facebook de Intox Leader, ils sont sur Bandcamp, ils sont sur SoundCloud, ils sont dans plein d'endroits. On continuera avec Como de Beta Bloqué, c'est pour mon copain Thierry du Puy-en-Velay. Ils sont aussi sur Bandcamp et ils ont une page Facebook. Ils cherchent des dates, contactez-les sur la page Facebook sur leur page Facebook tout simplement, Beta Bloqué. On continuera avec du son cassette Radical Quepon de Social Dictat, c'est pour Jérôme de Paris. C'est extrait d'un EP 4 titres disponible sur Bandcamp, Les Doigts dans la Crise, On descend dans la rue, Pas le temps et Radical Quepon. Ils sont en composition actuellement, des nouvelles très vite. Et on finira ce bloc en live, à coups de batte de baseball dans la gueule par les shérifs. C'est pour mon copain Mika du côté de Marseille. C'est sur l'album Bang, sorti en 2014. On retrouve Les Deux Doigts dans la Prise, Ne fais pas cette tête-là, La Saga des Shérifs, enfin tous les classiques des Shérifs, un classique du rock alternatif français. Show you how we've been denied to the new generation. It's the mid-90s, showing you how it's done if you think you are a smartie. And telling you the truth, Swiss boy, you sure boy. We'd like to be gone, but all this is not a problem. Cause they are delicious and they are like no other. Train by a great alias, your mother and father. And I said, train on it as united. Black and white, it's like show you how we've been denied to the new generation. It's the mid-90s, showing the new how it is done. Think you are a smartie. And I'm telling the truth, Swiss boy, ain't you sure boy. With that I'll be gone, but all this is that I'm over. But they are delicious and they are like no other. Playing by a great illusion. Then we flip, chop up the lyrics are alright. But what will pass us up here that we know is not. Why look at us, but don't look at us in this class. You know the reality and it's time to adjust. Big, I see you, so follow me, foolish promoting. Black and white. Ils provoquent par l'accoutrement et par le geste. Ce sont les punks. Ce sont les punks. Pourquoi elle m'appelle pas? Je crois qu'en fait elle veut pas de moi. Faudrait que je trouve des solutions pour la ramener dans mes bras. Dans mes bras. Je l'appelle tous les quarts d'heure. J'ai même saturé le répondeur. Mais elle ne m'offre que des silences en échange de mes fleurs. La première, faudrait ouvrir un dispensaire de tes peines de cœur régulières. Maintenant ça me fout les nerfs. Maintenant ça me fout les nerfs. C'est à cabo mi paciencia, hasta que llegue. No llores más, no más quejas. Mi paciencia fue. Je donnerai tout pour qu'elle m'effleure. Apprends-moi les bonnes manières. Je suis pas de nature séducteur. Comment nourrir ses sentiments à moi qu'il aime à en mourir. La vérité si je mens qu'elle me haïsse à en vomir. Confitant de l'évidence, je prendrais bien quelques vacances. Une pause d'amitié méritée. Si tu pouvais m'oublier. Si tu pouvais m'oublier. C'est à cabo mi paciencia. No llores más, no más quejas. Mi paciencia fue. souvent éthylique. Cette fois la moutarde me piconnait, j'étais pourtant habitué. Faut croire qu'un jour on peut craquer. Faut croire qu'un jour on peut craquer. C'est elle qui a vomi paciencia. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Show. out to the best boy. Se souviennent de ce rythme qui est en eux toute leur vie. On va le battre toute la nuit. On va le battre de plus en plus vite. À bout de battre de baseball. À bout de battre de baseball. À bout de battre de baseball. À bout de battre de baseball. À bout de battre. Qu'ils se souviennent de ces mots, qu'ils les retiennent, qu'ils les oublient pas. On va les répéter sans foi, leur enfoncer dans le cerveau. À coup de batte de baseball. Oh, à coup de batte de baseball. À coup de batte de baseball. À coup de batte de baseball. À coup de batte. Ce soir, la nuit sera courte, mais elle sera chaude, à la chaleur des missiles. Ça, la chaleur des missiles, on verra ça une autre fois. Vous êtes toujours dans la 106e Vampire Freak spécial fête de fin d'année et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Black White en live de Asian Dub Foundation, Hard Punk, le nouveau Intoxider, Como de Beta Bloqué, Radical Cupon en cassette de Social Dictate et on a fini ce bloc à un coup de batte de Bell's Ball en live de Sheriff. On continuera cette émission avec Double Peine en live de Zebda. C'est sur l'album Tawa, sorti le 25 novembre 2003. C'est un double album. On retrouve On est chez nous, Il n'y a pas de rangement, Tomber la chemise, enfin tous les classiques de Zebda. On continuera avec Je reviens de loin de Morshen 43. Oui, c'est très rare qu'il y ait du Morshen déjà dans l'émission. C'est très rare, mais hors deux, c'est quand même énorme. Je tiens à remercier Anaïs et Guillaume qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Du coup, ils m'ont fait mettre les deux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'aime pas faire ma promo. Je suis pas le nombril du monde, mais vous pouvez tout retrouver sur Bandcamp et viendrez sur la page Facebook de Morshen 43. On continuera avec une exclue et une nouveauté. At the beginning, the reign of chaos. De Kraken, enfin, c'est pour mon copain Will. C'est son premier single d'un album qui va sortir bientôt qui s'appelle The Reign of the Chaos qui sera disponible sur Bandcamp à partir de mercredi. Des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Kraken et sur Bandcamp. Et il faudra le bouger un peu un cul, mais on va essayer de lui faire faire un YouTube aussi. On continuera avec Grand Périple de Dubbing. C'est sur l'album So What, sorti le 23 septembre 2016. On retrouve So What, Triste Époque et Fêlé. Il a été certifié disque d'or dernièrement et c'est quasiment tous leurs disques ont été certifiés disque d'or plus de 10 ans après la sortie de leur premier album. Et on finira ce bloc en live avec Benzin de Rammstein, c'est sur l'album Volkerball sorti en 2005. On trouve Riser, America, Mental et plein d'autres. Ils doivent sortir un album mais on sait pas trop quand. Affaire à suivre. De celui qui a la main près du sac à main. Quand de Prince. C'est dans mes rêves que les bergères épousaient le prince. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. Pour moi qui sais d'être de toutes les combines, quatre épouses et combien de concubines. Je sais bien que c'est pas là le moindre défaut, mais qui prend l'ascenseur pour l'échafaud. Je fais la confidence à cet ordi. Mais je l'ai dit et redit, et si tu lis ma bio, tu y trouveras une enfance comme il faut. Si tu cherches le Bronx, reste dans ton ghetto. Et s'il est véridique que je suis né dans la rue, je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. Forcément ce que propose la vitrine. J'écoute la voix qui dit va chercher la lumière. Je vais pas courir la vie entière. Je vais pas m'échapper davantage. Derrière le tramway qui s'appelait déjà dégage. Je vais pas attendre comme épluche, la tête dans le sable comme une autruche. Je cours, je galope et jusqu'à bout de souffle. Je cours dans la neige, ça me bouffe. Essayez la rencontre du quatrième type. Retour à l'expédite, c'est pas le bon prototype. Je sais où je gêne. Je désire celui qui joue l'oxygène. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. En fusion, les limbes étaient si proches. Au feu des illusions, j'ai brûlé comme une torche. Je reviens de loin, là-bas c'est froid comme la mort. Je reviens de loin, à l'écart des fleurs d'or. Mais le lendemain, tes yeux grands ouverts, tu brûlais ma main d'impatience et de fièvre. Je reviens de loin, là-bas c'est froid comme la mort. Je reviens de loin, à l'écart des fleurs d'or. Barbecue en famille, un temps de grâce près du grill. D'un coup mon cœur se vrille, mais je m'en sors sur le fil.

représente un grand péril. Quand les galères pleuvent comme les intempéries, chaque fois qu'il faut se dépincer, affronter chaque épreuve t'aide à progresser. Grand périple, on n'a qu'une seule vie et chaque instant mérite qu'on puisse l'apprécier sans même penser à la suite. La route est longue, comment profiter de chaque minute qu'il peut nous rester. Oh, oh, yeah. Le jour on gravit des montagnes, mais on n'est jamais seul. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. verbrennen, willst du es nie wiedersehen? Lass es schwimmen, ha, in à Rammstein jusqu'à la dernière minute. On vient de s'écouter Double Peine en live de Zebda, Je reviens de loin de Morchaine 43, At the Beginning de Reign of the Chaos en nouveauté exclusivité de Kraken, Grand Périple de The Bink, et on a fini ce bloc en live avec Benzine de Rammstein. Cette 106e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission pour me demander d'autres morceaux. J'espère que cette émission vous a plu. Je voulais vous dire à l'année prochaine, en sachant que l'année prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. On finira cette émission avec Candyman en live de Primus. C'est du live à Sydney en 2014. Excusez-moi, le son est pas fameux, j'en suis désolé, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite et sur archive.org. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu !